renvoyer le constat amiable à mon assureur, je dispose de 24 heures. Réponse A. 48 heures. Réponse B. 2 jours ouvrés. Réponse C. 5 jours ouvrés. Réponse D.